Audrey Vincent, clinique de l'œil, chaîne Ensemine. Un parcours nouveau pour vous, en tout cas sur le plateau de l'Asmine ? Oui, absolument. Le docteur Beauvais s'est installé à Prévesin, c'est son cabinet principal. Il s'est installé également à Oyonnax en cabinet secondaire. Et dans le 74, c'est bien la première fois et il a choisi chaîne Ensemine avec et pour M. Ranard. Et voilà, donc on a mis en place, ça fait presque 2 ans maintenant que le projet est en cours. On est content de le voir enfin sortir ouvert, c'est ça. On a un collaborateur, le docteur Tsanda, qui exerce sur chaîne Ensemine et qu'on apprécie énormément. Ma foi, que dire d'autre ? On a une équipe toute jeune recrutée qui est très très enthousiaste. J'en profite pour les féliciter, si je peux me permettre. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous pouvez. Voilà, vraiment une équipe adorable, gentille et très motivée. Ma foi, voilà. Éventuellement, les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture ? Alors, les jours d'ouverture, c'est toute la semaine, sauf le mardi pour l'instant. Et on peut prendre rendez-vous directement sur notre site internet, sur centreuil.fr. C'est direct, vous choisissez chaîne Ensemine et le docteur Tsonda et vous choisirez du coup l'horaire qui vous convient le mieux. On n'a encore pas beaucoup d'attentes, donc il y a le choix. Donc il faut en profiter. Et puis on accepte évidemment tout type de patients, tout âge, hein, de la naissance à... Oh, bien plus. Ma foi, on est capable de suivre toutes les maladies les plus courantes de l'œil. Donc on a essayé de pouvoir répondre à la demande du plus grand nombre. Aujourd'hui, le docteur Tsanda a une assistante et va en avoir jusqu'à 3 pour pouvoir satisfaire les demandes. Donc voilà, l'organisation est pour l'instant un petit peu minimale, mais on a prévu sur 2 mois de prendre de la vitesse. Voilà, on commence tranquillement pour pouvoir satisfaire d'abord les patients et ensuite prendre nos marques. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vous en prie.